Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, premier président du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, s'est fait photographier en souvenir au Palais du Soleil de Kumsusan, sanctuaire suprême du Juche, avec les personnes qui ont contribué à la réussite au lancement expérimental de la fusée balistique stratégique sol-sol à moyenne et longue portée façon 10, qui revêt d'une très grande importance pour le renforcement de la capacité de défense nationale de la Corée Juche. Agitant la main avec un large sourire, il a adressé ses salutations chaleureuses aux acclamations enthousiastes des participants. Il a félicité les méritants qui ont confirmé de nouveau la vérité que la décision du parti est justement la pratique de la Corée, inspirer la confiance en la victoire à notre armée et à notre peuple et horrifier les forces hostiles à travers la réussite au lancement expérimental de la fusée avant de se faire photographier avec eux. Le camarade Kim Jong-un a exprimé la certitude que les hommes scientifiques, les techniciens, les ouvriers et les cadres du secteur de la science de défense nationale opéreront de nouveaux prodiges et innovations dans leur recherche et la production du matériel de guerre par la primauté de la capacité de se renforcer soi-même, moyen invincible, en soutenant l'idée et l'esprit du 7e congrès du Parti du Travail de Corée.